qu'il n'y a plus un seul Français en lice à l'US Open. Et Gaël Monfils s'est incliné face à l'Américain Mardy Fish. Et Amélie Mauresmo, surtout, a été littéralement balayée cette nuit par l'Italienne Pennetta, 6-3, 6-0. Mais la Française veut positiver. Je crois qu'on va essayer de mettre ce match-là derrière soi le plus rapidement possible. Et puis voilà, se concentrer sur ce qui a bien fonctionné ici et puis tout au long de cette tournée. Et repartir sur du positif quand même, parce que physiquement, ça faisait longtemps que j'avais pas enchaîné trois tournois et autant de matchs sans problème. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, et au niveau du jeu, même si aujourd'hui ça n'a pas du tout fonctionné, globalement, il y a eu quand même de bonnes choses. Donc voilà, on va essayer de rester là-dessus. Amélie Mauresmo avec Jacques Plana.